África. Fatima Dae, je suis touché, mais je pardonne. Fatima Dae, oh ma belle. Fatimata, je suis de su mamá. Fatimata, estoy decepcionado.